那頓にこそ花那頓にこそ花那頓にこそ 那頓にこそ 花 Oh, hallelujah, koroOna Golgotha, Amen. Ona Golgotha, Ona Golgotha, Ona Golgotha, Oh, hallelujah, Amen. Reçois-la de notre part. Oh, agrée-nous, Seigneur. Et bénis-nous en ta présence. De la bénédiction rédemptrice. Les bénédictions qui ont coulé au calvaire. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. A pris la place de nous pécheurs. Il a payé le plus grand prix. Aucune créature n'a pu payer. Omni family out. Il a affronté les défis. Il a payé le prix de la salle. Nous sommes libres. Gloire et louange à toi pour le chef. L'ordre que tu as fait, c'est du véritable chef-d'œuvre. Incontestable. Éternellement pareil. Il n'y a pas de pareil. Ce que tu as fait, c'est ce qu'il nous fallait. Nous allons lire la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 16. Canon verset 13 à 17. Matthieu 16. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et tu m'as dit, tu es mon Kilina Kaïfaï, un Philippe. Atoni ba eko na yeti, batu bajali kwa ba eti mwana ya moto ajali nani? Bango ba lobi eti, ba mosusu eti Yohane Mubatisi, ba mosusu eti Elia, ba mosusu eti Yelemia. Soko moko na basakoli, alobi na bango eti. Nde bino, boko lobaka eti mwana ajali nani? Simo na Petero azongisi eti, yo ajali Kristo mwana na Nzambe na bomoi. Yesu wazangi sili yeti, yesa mwana usi mwana mwana na yona, zambibo suni mpema kila, imani si ya mwana yeti, kasi tatana ngai na likolo. Jean chapitre 8, verset 15 à 18. Mwana mwana ya zomi na misato, Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Exode chapitre 23. Et dans l'Ancien Testament, nous prenons le verset premier. Tu n'en répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Amen. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir maintenant, nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Ici, dans la maison de Dieu. Soyez les bienvenus. Et sentez-vous heureux. Heureux du nom du Seigneur. Un nom heureux du nom de votre Dieu. De savoir que vous connaissez ce nom. Et vous connaissez ce qu'il est capable de faire. Le nom du Seigneur. Qui connaît? Oh, que Dieu soit loué. Merveilleux. Vous devez connaître ce que ce nom est capable de faire. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Capable de faire. A-t-il des limites? Non. A-t-il des choses qu'il ne peut pas faire? Des bonnes choses. Qu'il ne peut pas faire? Je vous demande, non? Non. Chacun doit connaître le Seigneur par expérience. Amen. A-t-il des choses, des bonnes choses, que le nom du Seigneur ne peut pas faire? Hein? Mais c'est pas tout le monde qui répond. Parce que justement, il y a des gens qui croient. Jusque-là, qui croient. Que le Seigneur est incapable de faire certaines choses. Est-ce qu'il faut vraiment que ne soit pas dans mes âmes? Mais est-ce que vous voulez mater? Et mon Dieu est obéta. Qui est capable de mettre son bain de vaccine? Quand on dit ça, il y a des gens qui croient quand on dit ça. Et justement, ils sont à l'église. Mais il n'a jamais adressé à Dieu une prière pour que Dieu lui enlève le mot de tête. Amen. Ne trompez-vous. Mais à ce cas-là, jamais vous semblez la table à mon côté. Et jamais à l'ouvrir mon tête. Moutou passe. Tant que vous êtes à la carte, moutou passe. Il y a formule, il y a un médecinat, côté pharmacie. Son vaccinal, sans handicap, sous le sol. Le va pas bon de la peau naïe. Mais que y ait mon coboyé, à son courage. Il y a aucun apogami. Oh, jamais, moutou passe aux autres. Le mot n'a moutou passe. À ce cas-là, jamais vous serez. Mine de rien, chacun peut examiner dans sa vie personnelle. Oh. As-tu déjà prié pour enlever son mal là que tu as? Il y a des gens qui prétendent avoir la foi pour être enlevé. Il n'y a pas de foi. Mais maintenant, c'est facile. Ce n'est pas par les menaces que c'est facile. Mais ils n'ont même pas la foi pour chasser les démons de caries dentaires. Incapable de chasser un petit démon de caries dentaires. Petit démon. petit démon, il est incapable de l'échapper. Les dentistes ont fait tout ce qu'ils pouvaient, il n'y a pas de mais ta voix a la solution. Le dentiste ne peut pas tout. Mais ta voix peut tout. C'est ça la différence. Or, oh, c'est que les dentistes échouent. Inconsolable. Il ne sait plus que faire. Parce que là où tu avais mis le dernier espoir, ça ne semble plus rassurer. Les alliés pour faire ça, il y a les soucis. Il faut changer de cabinet. Et puis, il faut que ces cabinets, ils commencent à faire ça. Il faut que c'est pas le problème du cabinet qui te fait ça. C'est un problème de ta foi qui est. Les alliés, ils sont malades. Ils manquent de courage. Tu ne peux pas affronter. Tu ne veux pas essayer. Tu ne veux pas innover. Tu veux rester bloqué dans les vieilles pratiques. Les échecs du passé. Et les échecs habituels. Apparemment, c'est tout ce que tu appelles l'expérience. Non, nous devons sortir de ce cachot-là. Si ta vie est devenue un cachot pour toi-même, l'évangile t'annonce ce matin, sors de ce cachot. Tout est possible à celui qui croit. Aussi loin tu iras ta foi, aussi loin se produiront des miracles. Et les nouvelles choses jamais vécues. Vos témoignages couleront encore. Aussi loin que tu permettras à ta foi d'avancer. Le seul évangile là. Le discours est là. Aussi qu'on a fait que quand on attend le temps. Mais Dieu est le Dieu. Le grand Jésus. Est le Dieu des choses nouvelles. Il a dit dans la promesse. Je ferai des choses nouvelles. Il a dit de toi. Mais il faut que tu en témoignes. Que tu l'expérimentes. Voilà pourquoi nous ne devons pas rester dans les sentiers battus. Et ce que je veux dire, c'est que nous devons faire des choses qui sont très importantes. Et ce que je veux dire, c'est que nous devons faire des choses qui sont très. La foi est capable. La foi fait tout. Je me rends compte si on nous y retrouvera. Dieu de miséricorde. Dans le sermon Hébreux chapitre 3. La prédication intitulée Hébreux chapitre 3. Le 1er septembre. Le paragraphe 28. Il y a quelque chose d'important. Concernant l'endroit où vous allez à l'église. Ou l'endroit où vous allez et l'église que vous fréquentez. Et l'enseignant qui vous enseigne. Il y a quelque chose d'important concernant l'endroit où vous allez. L'église que vous fréquentez. Et l'enseignant qui vous enseigne. Il y a une importance dedans. Savez-vous cela? Il y a quelque chose à ce sujet. C'est pourquoi nous devons rechercher le meilleur que nous puissions trouver. Amen. Tu dois chercher le meilleur que tu peux trouver. Amen. Afin d'en retirer ce qu'il y a de mieux. Amen. Que dit Amen. Amen. quelque bois nous est donné ici. Wana mukumbanini oepesame pona bitu. Tosambela kabisambela sambela te. Tokene église di kota kota te. Nous devons rechercher le meilleur que nous puissions trouver. Amen. Non seulement ça, une fois que nous avons trouvé le meilleur que nous puissions trouver, efforçons-nous de retirer de là le meilleur que nous pouvons retirer. La meilleure part qu'il y a dedans. Amen. Et s'il n'y a pas à se bloquer dans un passé chronique, dans un chemin habituel, quand je passe tout le temps par là, c'est ce qu'il y a, et puis j'arrive au numéro 8, et puis c'est dans l'église, et puis je sors par là, et puis je sors comme ça, c'est dans l'Ibaya. Non, après que Dieu nous progresse. Posons-nous la question, est-ce que là où nous sommes, là où nous allons à l'église, le meilleur endroit que nous puissions avoir trouvé. Si ce n'est pas le meilleur, vous allez toujours être satisfait. Et plus vous traînerez dans cet endroit, plus le problème se multiplieront. Parce que votre foi n'est pas correctement ajustée. Il y a des problèmes qui se créent en toi. Tout simplement parce que vous êtes en conflit avec vous-même. Et en conflit inconscient avec l'église que vous fréquentez. L'église que vous appelez votre église. Comment est-ce que votre église maison? Là où vous vous sentez chez vous. Si ce n'est pas le cas, vous êtes un étranger là-bas. Et vous ne serez pas heureux. Il y aura toujours des choses qui vont clocher. Tu essaieras d'avancer, mais tu vas tomber là encore. Tu essaieras de progresser, mais tu reviendras à nouveau. Non, nous devons tourner cette page. Il faut fixer les choses. Chacun doit être positionné. Ici n'est pas le meilleur. Écoutez, là, amen. Amen. Quand les gens ont quitté Jésus, il n'a pas fait comme les pasteurs théologiens. Il parle trop du cœur de Bérégie. Il faut voir le cœur de Bérégie. Il faut que l'on ait la parole. Il faut que l'on ait la parole. Il faut qu'on ait l'église. Il y a des esprits errants, il y a des esprits errants, les esprits de la vie, la vie de la vie, vous devez identifier chacun. Le salut est individuel. Dieu ne force pas le salut. Vous devez l'accepter. Quand vous le rejetez, vous le rejetez. Le royaume de Dieu est forcé. Voilà le principe de l'évangile. Mais quand on change l'évangile, on commence à prêcher l'évangile social. Mais pour prétendre, la prédication ne va plus prêcher toute la vérité. Le peuple, il y a des gens qui quittent l'église. Il veut garder les gens comme des moutons à cacher. Des poules mouillées. Au lieu de prendre les enfants de Dieu, cherchera des hypocrites. Le pays de la dîme, il donne les contributions, les libéralités, pour subvenir aux besoins de l'église. Pense à ces gens-là. La parole doit être prêchée sans gants. Ceux qui sont des dieux, ont les paroles de Dieu. Un véritable enfant de Dieu n'a pas besoin de ça. Non, non, la seule enfant, parce qu'il n'a pas besoin de la vie. Papa, on est raccaillé pour aller à l'église. Moi, dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le on doit te rappeler qu'il y a sur ce mercredi. Tu as pris le baptême pour mère. On doit qu'il bat tout simplement. Maintenant, on doit te rappeler qu'il y a tout ce mercredi. Tu es malade. On doit le tu marches contre tes propres engagements. On a dit, Paul a dit, si je commence à rebâtir les choses que j'ai détruites, je constitue pour moi-même un transgresseur. Alors les transgresseurs ne mériteront pas les bonnes choses. Après le baptême, tu t'es engagé à venir au Christ. Est-ce que c'est ce que tu fais, frère? Tu as pris le baptême. Tous ceux qui ont été baptisés par un certain frère David, qui est en train de prêcher ici, ils se sont engagés comme ça. Est-ce que c'est ce que vous faites? Vous allez comme ça là. Tu vis comment? Et tu trompes qui? Vous allez comme ça là. Parce que j'ai dit pour qui tu es là. Tu t'es pris, nous en avons. Et tu ne te reproches de rien. Tu continues comme ça. Comme si Dieu n'existe pas. Comme si la bonne conscience est morte. Comme si la bonne conscience est morte. Le Seigneur, il a vu, il a lu des paroles qui paraissaient dures. Hein? Oh, ce que vous entendez là, il n'y a rien de dur ici. Pourquoi ils vont parler durement? C'est ce qui est dur ici. Mais le Seigneur, il a dit. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, si quelqu'un ne le fait pas, il ne peut pas avoir de vie en lui. Alors les gens ont dit, cette parole est dure. Ce qu'il nous demande à faire là, mais c'est impossible à faire. Allez boire son sang, manger sa viande, le voilà une véritable parole dit. Ça là, il va avoir ma casse. Vous avez demandé de manger ma main. Ben, là, le volet, le mot qu'on a eu. Devenir mémoire de boire mon sang. Pour rien, pour son mec, pour la combien de matières. Il y a une idée dure, mon ami. Alors, bien, ma casse, c'est une bonne. Je vous ai dit qu'un véritable enfant de Dieu n'a pas besoin d'être flatté. Il a besoin de la vérité pour le chrétien. Pour être réveillé du sommeil. Pour être réveillé sur le chemin de la foi. Le bon sens. Ceux-là qui ont entendu, ça n'est pas. Bon, vous continuez à l'écouter. Allons. Eh, nous attendons encore quoi? Ça suffit. Quel père vous cherchez encore? Vous avez posé la question. Pendant longtemps, on s'est demandé si vous avez vraiment oui. Dans ces enseignements, dans ces enseignements, il y a certaines choses que nous n'avons pas entendues chez les pharisiens. Nos anciens ne nous ont jamais appelé ça. Nous avons dit certaines choses qui sont bizarres. On s'est questionné. Maintenant, il vient de dire ça. Ils sont partis à Marc. Comme toujours, mouvement de masse. Et c'est toujours le grand nombre qui s'en va. La grande bande d'incrédules. Ils sont allés là-bas en train de rouspéter. Ils sont allés à ce moment, ils regardent en bas de chez eux. Regardez comment, en commune minoritaire, là, pour qu'il y ait la mission, Bambongo, Bambini, la Bambongo. Il faut aimer la vérité. Et c'est un bon solo. Et Dieu aussi t'aime. J'en ai fait pour une gaille. Je connais pas la vie. C'est qui m'a dit que je vais me faire. Je vais me faire. Yohane, moka pas zoom na mine. Alupiamo na mo lungo ya tukule bana na mpaso. Nazare mo na mo sarubu moko tira na moko. Oya zana kundima ya kundima ubele bongo. Il faut croire. Et tenez kundima. Et demeure ferme. Et kutika yungui. Et te voilà. Vous allez en a. Maintenant ces gens sont partis. Batouana va kéi. Et Jésus regarde autour de lui. Patali. Il est devenu spontanément impopulaire. Le groupe, l'église s'est vidée. Et il S'il y avait un théologien, il allait dire, voilà la conséquence de n'avoir pas étudié la théologie. Il ne sait pas conduire une église. S'il avait étudié la théologie, donc, il aurait su quoi éviter dans son discours. A commis Yolela. Frère, mais c'était pourtant lui le Dieu prophète. Il n'y avait pas de meilleur ministre que lui. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas meilleur ministre que Jésus-Christ. Tous sont inférieurs à lui. Car le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais si le serviteur est devenu parfait, il est accompli. Il sera plus grand que son maître. Amen. Êtes-vous là? Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Et Jésus, pendant qu'il est devenu minoritaire, il a prouvé que la théologie ne vaut rien. Et toutes ces théories morales qu'on apprend, comment réussir un leadership fort, comment croire que l'église en nombre, les théories et des philosophies faites de la maison. Voyez pas. Jésus vient maintenant, c'est un petit groupe qui est là. Yoka, il leur demande. Et vous aussi. Et ne voulez-vous pas partir? Vous l'invitez au Kenda. Mais quel genre de pasteur? Alina dans la pasteur, pour la Yimoko. Parce que la Yimoko dans le groupe, mais qu'est-ce qui est? Zora et ça? Même si tout le monde partait, il prêchait au pied. Et ça, c'est la prophétie. Si tout le monde l'abandonne, car de ces pierres-là, il pouvait susciter des enfants. Pour dire que la foi biblique est illimitée. Elle ne reste pas que bloquée dans un sentier bien bâti. Dans les expériences habituelles. Dieu, il est le Dieu de l'innovation. Il peut faire des choses à nous faire. Inconnu de toi. Il est Dieu pour le faire. Quelqu'un peut te dire alléluia. Personne ne peut limiter. Personne ne peut troubler. Même lorsque la mer que lui-même a fait Il va prendre un Mais quand on a Dieu, les nouveautés demeurent possibles. L'innovation sera au rendez-vous. Il est un Dieu de surprise. Or la Bible dit que ce rocher-là était Christ. Et les enfants d'Israël ne le savaient pas. Mais c'est l'évangile du Nouveau Testament qui est là. C'est une nouveauté. Voilà, c'est une nouveauté. Voilà, c'est mais comment ça? Dieu peut créer de nouveautés là-bas. Il peut te surprendre avec ce qu'il y a autour de toi. Avec des révélations fraîches. Jamais imaginé. Et quand tu entres dedans, les glories du Sauveur. Amen. Il a dit, prends son bâton. Alors, nous sommes dans la haut. Frappe le rocher. Baisse ça, Nalibanga. Moïse est allé au rocher. Nous sommes dans la Libanga. Avec le bâton. Naligenda. Regarde sur le bâton. Attends, les Alingenda. C'est vraiment le bâton. Alors, les Alingenda. Ici, il y a le rocher. Ah, les Alibanga. Bon, Dieu l'a dit, hein. Jean Balobi. Il a dit, frappe. Alors, il baisse ça. Bon. Abaisse. Bois. Amen. De l'eau qui sort du rocher le plus dur. Maï et divine Alibanga wa makasi. Mais le rocher le plus dur frappé par un bois sec, c'est une vieille main. Et une vieille main. La même vieille main. Ce sont les mêmes mains qui dans la bataille d'Aïe. Voyez-vous là, vous servez un Dieu de possibilités illimitées. Vous servez le Dieu des choses impossibles. Et il faut avoir foi dans l'impossible. Et cette foi-là qui va entraîner ta vie. Et vous servez le Dieu des choses impossibles. Il faut influencer ton environnement. Il faut influencer ce qui t'arrivera. Quoi qu'il fera l'ouvrage. Il te sera fait comme tu crois. Il te sera fait comme tu crois. Si tu crois qu'il n'y aura rien, la foi fait loi. La foi dicte sa volonté. La foi est invincible. La foi authentique est invincible. La foi est un Christ qui a fait la croix. Le jour des morts. Toutes les maladies. Il a tout vaincu. Et vous avez tout. Pleinement. Il est le chef de toute domination. Il est le chef de toute autorité. Il ne fait pas les choses comme les théologiens. Écoutez-moi. Il a demandé à ces 12 là. Vous aussi. Et quand les croyants répondent à la parole, ça fait du bien au prédicateur. Quand il y a un amène par révélation, je reçois les détours. Ça m'ajoute l'onction. Jésus dit alors, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? L'un de vous est un démon. Ça ne met pas fin aux épreuves. Ce n'est pas ça qui va mettre fin aux épreuves. Il y en aura d'autres qui s'échouent. Soyez seulement aguerris. Dieu vous soutient sans les épreuves. Il veut vous voir vaincre. Sa volonté pour vous. Satan aime te voir échouer. Dieu aime te voir vaincre. Et ça doit t'encourager. Le fondement de ma foi. Jésus-Christ le même hier. Il y a quelque chose d'important concernant l'endroit où vous allez, l'église que vous fréquentez et l'enseignant que vous enseignez. Vous vous mettez ensemble, il y a quelque chose d'important. Alors nous devons rechercher le meilleur que nous puissions. Arrêtez ce qu'il y a de mieux. Il y a la fraîcheur de la présence de Dieu. Amen. Bien que le corps est chaud, Attendez que dans la moto. Mais c'est comme si vous climatiserez. Nous allons vous annoncer la maladie. Alors que le corps transpire. On a dit que d'aller contre le corps. Mais c'est une autre sensation du domaine surnaturel. On est dans la parole qui est le ça s'est rempli. Oh, Dieu est bon. Vous devez retirer le meilleur. Et chaque fois qu'il y a culte, pour nous c'est le meilleur que nous avons. Pour l'endroit où nous allons à l'église, c'est le meilleur que nous avons. Ça doit être comme ça. Ce n'est pas le cas, il sera flottant. Donc on a vu notre chambre à la volée côté. Et tu n'auras rien. Donc on a encore un peu. Tu vas tourner. Et les lignes doivent bouger. Les lignes doivent bouger. Nous parlons du Dieu de Moïse. Jésus-Christ le même. Amen. Il est le Jéhovah des miracles. Amen. Chaque fois que nous sommes exposés à ses dons, que nous sommes enseignés de sa part, nous devons retirer le meilleur. Amen. Amen. Chaque fois que nous avons le privilège de communiquer avec nous, il faut retirer la meilleure part. Et avec ça, les progrès seront évidents. Tu ne marqueras pas les pas. Tu vas avancer. Une brebis sans berger est faible. Elle est impuissante. Voilà pourquoi vous devez être en contact. Vous devez vous alimenter. Et vous devez vous écouter. Pour vous rafraîchir. Et retirer la meilleure part. Quelqu'un aime-t-il ça? Nous devons rechercher le meilleur que nous puissions trouver. Afin d'en retirer ce qui est de l'église. Non pas parce qu'on y est sociable. Vous allez dire que ton message qu'on allait nommer la bateau. Oui, ainsi de suite. Mais parce qu'il y a le véritable enseignement biblique. Donc, amen. Non pas parce qu'on est sociable et que ton message. Ah, on est là, mais c'est là, ma sœur, là, ma frère. Est-ce qu'il y a mon raison? Non. C'est pour ça vraiment que tu viens ici? Non, non. Oh! Mais ça doit être parce qu'il y a le véritable enseignement. Et quand le véritable enseignement biblique nous est donné, de ceux qui sont convaincus, et là c'est son église, mais c'est chez lui. Et Dieu qui l'a trouvé, c'est le meilleur qu'il pouvait faire. Il doit s'efforcer de retirer ce qui est servi. De ce qui est présent. Nous sommes dans les seuls services. Matembele, ou quoi? Tu te sers à volonté. Mais n'est-ce pas que quand vous allez dans une fête, chacun de nous se sert le meilleur plat. Selon lui, convient pour le monde. Peut-être que tu viens de manger une grosse chikwang là-bas quand la journée. Oye, si on a fait. Oui, on a fait. Ou vous avez juste un gros foufou. Tu vas t'adapter. Oh, tu voulais se croire, il y a mon élève. Il y a un goût de mon passe. Maintenant, il y a un goût de mon passe. Pour toi, c'est la meilleure portion. Pour toi, c'est la meilleure portion. Pour toi, c'est la meilleure portion. Pour toi, c'est la meilleure portion. Pour toi, c'est la meilleure portion. Ah non. Tout. T'as la salle. Ngomba. Une montagne de nourriture. Et toi qui as le ventre déjà sous tension, il est là parce que tu mets la main sur la bouche, est-ce qu'il sera terminé? Parce que moi, tu ne te mets pas à sa place, c'est que toi dans cette condition-là, tu ne seras pas terminé, c'est ça. Mais, j'ai réveillé 30 minutes après. Ça, vite. Pourquoi? Dans ces conditions, c'est la meilleure portion. Yangonde tolobi, peto yembaka. Ozoalobi konakati na Yesu. Ezali po na moto na moto. Kotale la moninga na yote. Ezali etumba ya moli mona yo. Amen. Ozoa lobi konakati na Yesu. Ezali po na moto na moto. Seko kotale la moninga na yote. Ezali etumba ya moli mona yo. Par l'esprit de Dieu. Fils de Dieu. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Il appartient à l'Éternel de conduire. En Jérémie 10, c'est pas toi, maître de ce qui t'arrive, maître de la voie que tu suis. Là où coule pirabie, les fatigués, tu conduis tes enfants. Oh, c'est un, Oh! Elle passe à travers. Et pour le travail, le pour le la et pour le la et pour le et pour le à l'ancienne mode. Amen. Hey, toi, ne suis pas la modernité. Ici, j'ai reçu une carte postale. Elle n'est pas signée, mais l'ancienne mode. Mon précieux, que Dieu te bénisse, je t'ajoute encore l'onction à l'Alléluia. Alléluia. Amen. Carte elle va en poche. Alors, la terre, on a dit bien grave. J'ai dit amen. Amen. Et voyez que je vous ai annoncé même que je suis béni. Amen. Alors, bien, c'est une belle chose. Il est un autre effet de Jésus. Amen. Dieu est surnaturel. Amen. Dieu est surnaturel. Amen. Et il est en communion avec son Père. Amen. Nous ne voulons pas dormir. Amen. Mais nous voulons servir Dieu. La parole me suffit. Elle a tout au-dedans d'elle. La parole me suffit. Ne voyez-vous pas tous ces hommes debout? Dieu les a délivrés. De la lourdeur. Du formalisme d'église. Elle était venue assise comme vous. Mais la pression est surnaturelle. Et l'onction de la vérité. Et ça fait tenir sur leur vie. Et ça fait tenir sur leur vie. Mais après, dans quelque chose de... Il a dit ceci. Alors, vous pouvez... Je me l'ai lire encore ici. Béni soit le Seigneur. Amen. Je l'aime. Amen. Ben, voici, il y a ici le plus grand de tous. Titre. de la prédication. L'idée, voici, il y a ici le plus grand de tous. Quand nous lisons ce titre, et vous regardez autour de vous, vous pouvez dire qu'amen. Le titre mérite d'être lu, n'est-ce pas? Voici, il y a ici le plus grand de tous. Le 15 juillet 1972. Mais vous voyez, bon, ils ne recevront pas leur don. Dieu vous donne un don, mais vous ne recevez pas. Vous faites une bénédiction, vous ne recevez pas. Vous restez là, assis à rêver. Et ça ne va pas passer par une destination. Oh non! Il faut recevoir. Il nous a été envoyé un grand don. Il m'a donné son fils. Ils ont rejeté cela. Arrivant à Israël, il est depuis lors dans les camps. Il a envoyé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans les derniers jours, qu'est-ce le chaos, le jugement. Sortez de Sodome. Ne regardez même pas en arrière. Sortez de Sodome. N'imitez pas certaines de ces choses modernes. N'imitez pas ces choses modernes. Regardez vers le calvaire. Gardez le regard vers ce côté-là. Ne faites pas cas de combien l'église est grande. Que ce soit une mission ou quoi. C'est un pauvre petit tabernacle. Quoi que ce soit, ne faites pas qu'à descendre. Et que les autres fréquentent des très immenses bâtiments. Ne faites pas qu'à. Regardez vers le calvaire. Amen. Oui, oui. Amen. Oui, oui. Oui. Amen. Écoutez. Bonsoir. Restez avec votre homme de Dieu qui vous enseigne la parole. Amen. Amen. Amen. Écoutez bien quoi. Accrochez-vous bien à lui. Amen. Amen. Amen. Accrochez-vous bien à lui. Accrochez-vous bien à Christ. Et continuez à avancer. Est-ce que vous revoyez votre manière de vous, de vous accrocher au ministère, au service divin, au don que Dieu vous donne, amen. Ne amen. Basculez pas. Amen. Restez avec votre homme de Dieu. Vous enseigne la parole. Amen. Et accrochez-vous bien à lui. Amen. Mais certains, au lieu de s'approcher, ils commencent à l'éviter. Ils l'évitent. Nous ne voulons pas les déranger. Mais qui vous a dit que vous dérangez? N'écoutez pas le diable. Écoutez la parole. Accrochez-vous bien à lui. Soyez alignés. Mettez Christ au-dessus. Et soyez aussi bien accrochés à Christ. Si quelqu'un me fait, mon Père l'honorera. Parole du Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 12. Vous pouvez lire encore là? Oh oui. Jean chapitre 12. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est Christ qui parle. Là où lui Christ est, c'est exactement là que son serviteur. Ils sont dans le même lieu. Ils sont au même endroit. Si Christ est à la chair, le serviteur est à la chair. Amen. là où je suis, et pas là aussi sera mon Seigneur. Comme ces choses bien comme ça. Je dis, j'ai prêché une prédication que je n'avais pas préparée. Aujourd'hui encore. Les noms et tout. Voyez comment différent. Le titre est là, non? Les trois questions. C'est ce qu'on devait voir. Moi, je m'étais préparé pour prêcher ça. Hein? Les trois questions bibliques. Qui dit-on pour qui dit serviteur? Dès qu'on a lu, l'esprit m'a amené ici. J'ai lutté pour quitter Boapi. Et toute la prédication restait là. Et finalement, à la fin, quelque chose me montre que je n'avais même pas terminé ça. Je dis, mais finalement, cette question était si profonde que ça. Mais au moins, le temps était dépassé. Il fallait arrêter. Bon, aujourd'hui encore, nous y sommes. Et nous, tous allons là. Il est la meilleure part. Le Seigneur dit, il dit ça. Amen. Oh, Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Amen. Et là où je suis, il sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Peut-être pas les hommes. Peut-être que pas sa nation. Peut-être que pas les gens de sa ville. Peut-être que Père, tu honoreras celui qui sert. Amen. Dites amen. Vous voyez que c'est vrai. Et ne soyez pas complexés. Connaissez qu'il en est ainsi. Ça ne dépend ni de nos sentiments, ni de nos appréciations. Ça ne dépend du Dieu de sa parole. Et s'il a dit, il l'aimera. Voulons-nous là? Amen. Que Dieu nous assiste. Qu'il nous assiste. Lui qui a fait quelque chose. Vous vous rendez compte? Amen. Et par ces petites déclarations, ça nous aide à revenir à notre sujet. Dieu, j'ai réussi à obtenir une virgule. Voyez ça. Oui. Bon, si vous dites que vous avez déjà la meilleure part, vous allez vous lever pour adorer. Parce que la partie que je vais prêcher maintenant, c'est ce que j'avais prié que tu puisses quand même aborder. Mais le temps qu'il fait, bon, peut-être qu'on ne va pas terminer, mais... Que voulez-vous? Nous adorons? Nous pouvons adorer? Arrêtez la prédication, adorer? C'est notre maison. N'est-ce pas? Amen. Le Saint-Esprit a fait la prédication. Amen. Avec votre accord, que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, on va parler de sa belle femme. Mystique et crédulité, tout est à la fille. Bois qui s'en. Amen. Pas jamais, yo jamais bâti le pays. Amen. Ojo bongola orientation. Ojo changer nous son évolue. Alors, il y a un banque qui est bon. Amen. Tellement. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toutes choses pour moi. C'est le plus beau d'entrée d'aimer pour mon âme. Oh mon âme, il est aimé, c'est la vallée. Et avec toi, je trouve ma purification et ma guérison. Alléluia, Le monde de la Amen. Amen. Adorons-le. Amen. Tu as du temps. Adore ton Seigneur. Offre-lui le meilleur. Qui t'a donné le meilleur qui t'a donné le meilleur. Toi aussi. Offre-lui le meilleur que tu as. Hello, Cora, Monday. Que nous surprend agréablement. Ne les limite jamais. Il peut faire des choses nouvelles. Oui, Dieu peut faire des choses nouvelles. Amen. Prends les mots. Amen. Il a promis les meilleures bénédictions. Dans la bénédiction prophétique. Sur les 12 fils d'Israël. La bénédiction d'Ephraïm. Oh, les bénédictions qui sont tombées sur Joseph. Ce sont les meilleurs postes. Dieu te donne la meilleure part. Dieu fidèle. C'est lui qui a promis, pas moi. C'est lui qui le fera, pas moi. Ouvre ton cœur à cela. Fasse tout ce qu'il veut dans le monde. Où qu'il conduise, suis-le. Amen. Entendre une sœur parler en langue et vous avez suivi l'interprétation de cela. Tout simplement pour dire que le Seigneur est ici. Que le faible puisse se ressaisir. Il confirme sa parole. Il est Dieu. Amen. Il vit dans sa parole. Amen. monde. La prédication l'a dit aussi. Dieu ne fait pas de vénérédit. Il rassure le croyant. Si tu as des hésitations, vous allez encore Notre foi ne bouge pas. Sois ferme dans la parole. Votre amour chaque jour est partout. Amen. Père Tout-Puissant. Notre Père Céleste. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Pour l'évangile que tu nous as donné. Pour édifier notre foi. Pour former notre caractère. Pour stimuler le réveil. Pour réveiller ceux qui dorment. Pousser à la repentance. Ceux qui commencent à s'habituer au mal. Seigneur, Olo. Chacun t'a parlé. Nous croyons que tu es Dieu. Pour répondre à Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'ancien évangile. Nous aimons ça, l'ancien évangile. D'être béni de ta part. Amen. Toi, le Dieu qui nous réserve des surprises. Dieu qui peut faire des choses nouvelles. Nous croyons que chacun a reçu la meilleure part. Et chacun t'a offert la meilleure part. La meilleure prière qu'il pouvait offrir. La meilleure adoration qu'il pouvait offrir. La meilleure repentance. La meilleure confession. Pour être purifié devant Dieu. Et est-ce que sans tâche, plus blanc que la neige. Bénis cette église. Conduis-nous pas à pas. Amen. Chacun pour sa part. Que l'Esprit de Dieu conduise. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Vous asseoir. Que Dieu vous comble. Amen. Amen.